Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Les hallucinés, et les hallucinés de Monsieur Renan. Cet article apparu en 1805, époque où Monsieur Renan publia son livre des apôtres. Un fait d'une gravité et d'une portée considérable vient, pour la première fois, d'être signalé par Monsieur Ernest Renan dans son livre des apôtres, c'est l'existence d'une grande épidémie d'aliénation mentale qui aurait sévi dès le début du christianisme, et aurait été la cause première de son établissement. Cette épidémie, qui n'a d'analogue dans l'histoire que celle que Lucrèce a décrite sous le nom de peste d'Athènes, offrit cela de particulier, qu'elle ne s'attaqua qu'aux personnes qui, de près ou de loin, voulurent témoigner de la divinité du Christ. Seulement, au lieu de compromettre leur vie, elle ne compromit que leur intelligence. Ainsi, chez toutes, elle prit la forme de monomanie avec hallucination, toutes s'étant figurées, dans les circonstances les plus diverses, entendre des voix, apercevoir des objets ou commettre des actes, alors que ces voix, ces objets et ces actes, étaient simplement le produit de leur cerveau malade. On se demandera peut-être comment un livre qui renferme tant de révélations de premier ordre n'a eu jusqu'à présent qu'un succès de scandale, par le ton tout à la fois mielleux et patelin avec lequel l'auteur nie la divinité du Christ. C'est qu'il n'a pas été lu par ses véritables lecteurs. Ce n'est point, en effet, aux gens du monde qu'il s'adresse, ces questions n'étant pas de leur compétence. C'est aux médecins. Aussi est-ce comme médecin et uniquement à ce titre que je me propose d'en rendre compte, non pas pour l'analyser, encore moins pour le juger, mais uniquement pour faire ressortir les principaux caractères d'une épidémie qui, telle que l'a dépeint Monsieur Renan, est sans contredit l'une des plus mémorables qui ait jamais affecté notre espèce. Attaché comme interne, pendant les premiers temps de mes études médicales, aux hôpitaux et hospices où l'on traite les maladies de ce genre, honoré tout particulièrement de la bienveillante amitié de l'éminent aliéniste Esquirol, j'ai vu, je puis le dire, toutes les variétés, toutes les nuances des aberrations de l'intellect. Je me trouve donc ramené ici sur un terrain qui m'est depuis longtemps familier. Mais laissons parler Monsieur Renan. S'il a eu la primeur de la découverte, c'est bien le moins qu'il ait le mérite de l'exposition. Nous suivrons même, pour plus de fidélité, l'ordre dans lequel il décrit ses hallucinés, bornant notre rôle à quelques appréciations d'un caractère entièrement médical. Hallucination de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, au dire de Monsieur Renan, fut la première atteinte. Son accès aurait éclaté le dimanche même de sa visite au sépulcre. L'aspect du tombeau vide, l'ange qui lui sembla apercevoir, Jésus qu'elle crut voir et entendre, en furent, paraîtrait-il, la cause déterminante. Voici le saisissant tableau qu'en donne cet écrivain. Folle d'amour, ivre de joie, Marie rentra dans la ville, et, au premier disciple qu'elle rencontra, je l'ai vu, il m'a parlé, dit-elle. Son imagination fortement troublée, ses discours entrecoupés et sans suite, la firent prendre par quelques-uns pour une folle. La gloire de la résurrection appartient à Marie de Magdala. L'ombre créée par ses sens délicats plane encore sur le monde. Reine et patronne des idéalistes, elle sut mieux que personne affirmer son rêve, imposer à tous la vision sainte de son âme passionnée. loin d'ici, raison impuissante. Si la sagesse renonce à consoler cette pauvre race humaine, trahie par le sort, laisse la folie tenter l'aventure. Où est le sage qui a donné au monde autant de joie que l'a possédé Marie de Magdala? Ainsi Monsieur Renan délivre de son autorité privée à Marie-Madeleine un certificat d'aliénation, en oubliant qu'un point, qui cependant aurait bien son importance, celui de prouver qu'elle avait réellement perdu la raison. Mais ce n'est pas tout, il veut de plus qu'elle fût possédée. Possédée de quoi? Du démon, sans nul doute. J'ignorais que Monsieur Renan admit ce genre de possession. Le fait en tout cas, valait la peine d'être cité, car on ne voit pas tous les jours une personne raisonnable jusqu'alors être ainsi frappée simultanément et en une seconde d'hallucination de la vue, d'hallucination de l'ouïe et de possession démoniaque. Mais continuons, Monsieur Renan nous ménage de bien autres surprises. Hallucination de deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans la journée même du dimanche, raconte-t-il, deux disciples entreprirent un petit voyage à un bourg nommé Emmaüs. Ils causaient entre eux des derniers événements et ils étaient pleins de tristesse. Dans la route, un compagnon inconnu s'adjoignit à eux. C'était un homme pieux versé dans les Écritures, citant Moïse et les prophètes. Ces trois bonnes personnes lièrent amitié. À l'approche d'Emmaüs, comme l'inconnu allait continuer sa route, les deux disciples le supplièrent de prendre le repas du soir avec eux. Le jour baissait, les souvenirs des deux disciples devinrent alors plus poignants. Combien de fois n'avaient-ils pas vu le maître bien-aimé oublier le poids du jour dans l'abandon de gais entretiens, et, animé par quelques gouttes d'un vin très noble, leur parler du fruit de la vigne qu'il boirait à nouveau avec eux dans le royaume de son père. Le geste qu'ils faisaient en rompant le pain et en le leur offrant était profondément gravé dans leur mémoire. Plein d'une douce tristesse, ils oublient l'étranger, c'est Jésus qu'ils voient tenant le pain, puis le rompant et le leur offrant. Ces souvenirs les préoccupent à tel point qu'ils s'aperçoivent à peine que leur compagnon les a quittés. Et quand ils furent sortis de leur rêverie, ne sentions-nous pas, se dirent-ils, quelque chose d'étrange? Ne te souviens-tu pas que notre cœur était comme ardent pendant qu'il nous parlait? Ne l'as-tu pas reconnu à la fraction du pain? Oui, nos yeux étaient fermés jusque-là. Ils se sont ouverts quand il s'est évanoui. La conviction des deux disciples fut qu'ils avaient vu Jésus. Ils rentrèrent en toute hâte à Jérusalem. Voilà un cas d'hallucination en partie double, bien plus extraordinaire encore que celui de Marie de Magdala. D'abord, contrairement à ce qui arrive d'habitude, c'est au moment où la conversation de leur compagnon de route devient la plus intéressante que les deux disciples s'endorment. Puis, par une particularité non moins curieuse, ils continuent de marcher tout endormis. Puis enfin, quand ils se réveillent et qu'ils se questionnent, il se trouve que tous les deux ont été le jouet du même rêve. Et quel rêve! Ils se sont figurés, une fois l'étranger disparu on ne sait comment, entrer avec lui dans une hôtellerie, le voir remplir la coupe d'un vin très noble, prendre le pain, le rompre et le leur distribuer. Il y a là une communauté tacite d'impressions et d'idées entre aliénés qui laisse bien loin derrière elle tout ce qu'on raconte en ce genre des jumeaux siamois et des somnambules extra-lucides. Première hallucination des apôtres, moins Thomas. Le groupe des apôtres, continue Monsieur Renan, était à ce moment-là rassemblé autour de Pierre, à l'exception de Thomas, lorsqu'arrivèrent les deux disciples. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé dans la route et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. L'imagination de tous se trouva vivement excitée. Pendant un moment de silence, quelque léger souffle passa sur la face des assistants. En même temps, on crut entendre des sons, puis discerner le mot de shalom, bonheur ou paix. C'était le salut ordinaire de Jésus. Enfin, quelques-uns dirent avoir distingué dans ses mains et ses pieds la marque des clous, et dans son flanc la trace du coup de lance. Or, selon une tradition fort répandue, ce fut ce soir-là même qu'il souffla sur ses disciples le Saint-Esprit. Tels furent les incidents de ce jour, qui a fixé le sort de l'humanité à 16 heures solennelles, un courant d'air, une fenêtre qui crie, arrête les croyances des peuples pour des siècles. Voilà une manière aussi neuve que piquante de narrer et d'interpréter les faits. La dernière réflexion surtout, par ses allures doctrinales et son air de profondeur, rentre dans le domaine du haut comique. Mais enfin je dois supposer que l'auteur veut être sérieux, répondons-lui donc sérieusement. Les apôtres, dites-vous, se trouvaient réunis lorsqu'un bruit dont ils ignoraient la cause vint frapper leurs oreilles. Or, ils attendaient le Christ, donc ils se figurèrent que c'était le Christ qui venait d'arriver parmi eux. Si vous en restiez là, cette supposition, toute forcée qu'elle fût, pourrait à la rigueur se soutenir, appliquée à des hallucinés, mais vous allez beaucoup plus loin. Ainsi, le même bruit continue, ils s'imaginent que c'est Jésus qui leur parle. Ils continuent encore, ils croient lui entendre dire « Shalom ». Ils continuent toujours, il leur semble voir les blessures de ses pieds, de ses mains et de son côté. Enfin, à un dernier murmure, ils se persuadent qu'ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, toute cette fantasmagorie cérébrale constitue, pour le médecin, autant d'impossibilités. Chez l'aliéné, le même fait, quand il se répète dans le même lieu, au même moment et de la même manière, produira la même hallucination et non une série d'hallucinations progressives, c'est même là ce qui forme le cachet de la monomanie. Pour obtenir les effets décrits par M. Renan, il eût fallu, non plus un son uniforme, mais une succession de sons très différents, j'ai presque dit tout un carillon, demandez-le plutôt au frère Davenport. Deuxième hallucination des apôtres, y compris Thomas. Le propre des états de l'amounès, l'extase et les apparitions, c'est, dit Monsieur Renan, d'être contagieux. Il vient de nous en donner un exemple dans la personne des apôtres, leurs hallucinations n'ayant commencé qu'à l'arrivée des deux disciples qui, comme il nous l'a appris, en avaient rapporté le germe du chemin d'Emmaüs. Un seul dû à son absence d'y avoir échappé, ce fut Thomas. Celui-là, ne craignit rien pour lui, car M. Renan ajoute, comme si l'hallucination avait voulu se précautionner contre elle-même, il s'écria, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, dans son côté la marque de la lance, je ne croirai point. » Et cependant il crut. À quelle cause attribuer ce revirement? M. Renan va sans doute nous l'expliquer. L'apôtre Thomas, dit-il, qui ne s'était pas trouvé à la réunion du dimanche, avoua qu'il portait quelque envie à ceux qui avaient vu la trace de la lancée des clous. On dit que, 8 jours après, il fut satisfait. On dit, et vous vous en tenez à cet on dit, sans ajouter un mot de plus. Mais c'était là le cas ou jamais d'entrer dans des détails. L'épreuve était décisive. Thomas, le seul, suivant vous, qui continua de jouir de son bon sens, avait averti les apôtres qu'ils avaient été les dupes d'une illusion, et que, lui, saurait bien ne pas l'être, car il n'admettrait que des preuves positives, matérielles, palpables. Or, s'il fut satisfait, en d'autres termes, s'il fut dupe à son tour, de quelle manière le fut-il et dans quelles circonstances? Encore une fois, tout est là. Évidemment, la cause d'erreur ne put être la même que pour la première apparition, puisqu'il était prévenu et se tenait sur ses gardes. Comment donc Thomas, qui devait désabuser les autres, devint-il halluciné à son tour? Y eut-il là quelques scènes de table tournante, d'esprit frappeur ou de magie blanche? L'épidémie décrite par M. Renan se distinguant de toutes les épidémies connues, il m'est impossible d'essayer de combler les lacunes de son récit. C'est donc à lui de nous donner quelques dignes pendant au vent coulé ou à la fenêtre qui crie pour arrêter pendant des siècles la croyance des peuples. Troisième hallucination des apôtres au complet. Un jour, raconte M. Renan, que les frères étaient réunis, un orage éclata. Soit que le fluide électrique ait pénétré dans la pièce même, soit qu'un éclair éblouissant ait subitement illuminé la face de tous. On fut convaincu que l'esprit était entré et qu'il s'était épanché sur la tête de chacun sous forme de langue de feu. On crut avoir assisté à toutes les splendeurs du Sinaï. On se persuada que Dieu avait voulu signifier ainsi qu'il versait sur les apôtres ses dons les plus précieux d'éloquence et d'inspiration. Le don des langues devint de la sorte un privilège merveilleux. À la bonne heure, cette fois du moins, nous savons à quoi nous en tenir sur la cause qui a produit cette troisième hallucination des apôtres, c'est le tonnerre. Mais quel singulier tonnerre que ce tonnerre de Palestine! De nos jours, quand un orage éclate et que la foudre tombe au milieu d'une réunion, ceux qu'elle atteint sont plus ou moins asphyxiés, et les autres restent muets de terreur. Ici, rien de semblable. Chacun reçoit sa quote-part de fluide et, loin d'en être le moins du monde incommodé ou effrayé, il se sent la langue si déliée qu'il se croit apte à parler tous les idiomes. Voyons jusqu'à quel point l'événement va justifier cette prétention. Prédicateurs et auditeurs hallucinés. Jérusalem, remarque M. Renan, était une ville très polyglotte. Aussi, une des choses qui effrayait le plus les apôtres, au début de leur prédication, était-ce le nombre de langues qu'on y parlait? Ils se demandaient sans cesse comment ils apprendraient tant de dialectes. C'était là, en effet, la grosse difficulté, car, à en juger par les nationalités qui s'étaient donné rendez-vous à Jérusalem, jamais ville ne fut plus polyglotte que celle-là. Il y avait, dit l'Écriture, en plus des Parthes, des Mèdes et des Élamites, de nombreux habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, et enfin ceux qui étaient venus de Rome. Comment parvenir à se faire comprendre en même temps de tout ce monde-là? Écoutons M. Renan. Aucune langue, dit-il, ne rendant les sensations nouvelles qui se produisaient, on se laissait aller à un bégaiement indistinctif, à la fois sublime et puéril, où ce qu'on peut appeler la langue chrétienne, flottait à l'état d'embryon. Il y eut des siècles d'efforts obscurés comme de vagissements. On eût dit un bec dans la bouche duquel les sons s'étouffent, se heurtent et aboutissent à une pantomime confuse, mais souverainement expressive. Quel charabia, bon Dieu! Quel jargon soi-disant médical! Que signifie, je vous le demande, ces bégaiements sublimes et puérils, ces embryons qui flottent, ces siècles qui vagissent et ces becs qui manquent d'étouffer, le tout pour aboutir à une pantomime d'autant plus expressive qu'elle est plus confuse? Certes, tout médecin que je suis, j'aurais bien besoin ici moi-même du don des langues pour comprendre quelque chose à celle-là. Nous allons voir pourtant que les initiés n'en perdaient pas un mot. On écoutait avec avidité, dit Monsieur Renan, et on prêtait à des syllabes incohérentes les pensées qu'on trouvait sur le champ. Chacun se reportait à son patois et cherchait naïvement à expliquer les sons inintelligibles par ce qu'il savait en fait de langue. On y réussissait toujours plus ou moins, l'auditeur mettant dans ses mots entrecoupés ce qu'il avait dans le cœur. Voilà donc enfin le mot de l'énigme. On prêchait en patois, le patois étant alors la langue universelle. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je me permettrai cependant une simple réflexion. Chaque pays a son patois, le même pays peut même en compter plusieurs. Nous avons, rien qu'en France, le patois normand, le patois bas-breton, le patois lorrain, le patois picard, le patois auvergnat, le patois limousin, le patois marseillais et bien d'autres encore. Il en était nécessairement de même, à cette époque, pour chaque contrée. Or, comment le prédicateur, ne parlant forcément qu'un seul patois à la fois, pouvait-il être compris de toute l'assistance qui, par la multiplicité des nationalités, formait une sorte d'exposition universelle de tous les patois du globe? À moins qu'en devenant aliéné on ne devint en même temps extra-lucide. Il faudrait là, en tout cas, un complément de renseignements que M. Renan ne manquera sans doute pas de nous donner dans l'édition populaire qu'il annonce de son ouvrage. Ce sera le moyen de le mettre à la portée, non plus seulement de toutes les bourses, mais de toutes les intelligences, y compris la mienne. Plus de 500 personnes hallucinées en bloc. Ce n'est plus seulement dans les endroits clos, tels qu'une chambre ou une église, là par conséquent la concentration des miasmes, ou, pour employer l'expression de M. Renan, des effluves divins, forment un agent si puissant de contagion, c'est en plein air, sur les sommets les plus hygiéniques, que l'épidémie va continuer ses ravages. Un jour, raconte M. Renan, qu'ils étaient guidés par leur chef spirituel, les Galiléens fidèles, au nombre de plus de 500, montèrent sur une de ces montagnes où Jésus les avait souvent conduits. La terre était alors parsemée d'anémones rouges qui sont probablement les lys des champs, dont il aimait à tirer ses comparaisons. J'avais cru, au contraire, que les lys étaient blancs. À chaque pas on retrouvait ces paroles comme attachées aux mille accidents du chemin. Aussi crurent-ils encore le voir. L'air, sur ces hauteurs, est plein d'étranges miroitements. La foule assemblée s'imagina voir le spectre divin se dessiner dans les terres, tous tombèrent sur la face et l'adorèrent. Ils descendirent ensuite de la montagne, persuadés que le Fils de Dieu leur avait donné l'ordre de convertir le genre humain et avait promis d'être avec eux jusqu'à la consommation des siècles. J'en demande bien pardon à Monsieur Renan, mais, ici encore, il m'est impossible d'admettre son explication toute physique. Ce n'est pas que je nie les effets de mirage que j'ai eu moi-même l'occasion d'étudier en Orient, non plus que les illusions auxquelles ils peuvent donner lieu. Seulement celui-là seul y sera pris qui les verra pour la première fois. Raisonnons par analogie. Voici un étranger qui arrive sur les bords de la mer, et qui, pour ses débuts, est témoin d'un de ces splendides couchers du soleil où l'horizon, le ciel, l'eau elle-même, paraissent tout en feu. S'il est très impressionnable et surtout un peu toqué, il pourra croire assister à un immense embrasement. Mais qu'il essaie de faire partager son erreur aux habitants de la côte, chacun lui rira au nez. Ainsi pour les 500 Galiléens, ils étaient du pays, maintes fois ils avaient accompagné le Christ sur ses hauteurs, par conséquent ils étaient, on peut le dire, blasés sur ses miroitements. Et vous voulez que tout d'un coup ils en aient été la dupe. Cela n'est pas soutenable. Hallucination de Paul sur le chemin de Damas, il se fait protestant. L'épidémie touche à sa fin. Paul, si on en croit Monsieur Renan, en fut une des dernières, mais aussi une des plus illustres victimes, dans une circonstance que tout le monde connaît. Chacun sait, en effet, que, frappé d'une lumière subite sur le chemin de Damas, il fut renversé de cheval et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Puis, sur l'ordre de cette même voix, il se releva et gagna la ville, seulement on le conduisit par la main, car il n'y voyait plus, encore bien qu'il eût les yeux ouverts. Voilà du moins ce que raconte l'Écriture. Écoutons actuellement la version de M. Renan. D'abord, il supprime le cheval et veut que Paul fît la route à pied. Soit, nous ne le chicanerons pas pour si peu, encore bien qu'on conçoive difficilement que Paul, qui ne respirait que menaces et carnages, et était porteur d'un message important, s'amusa à voyager en touriste. Mais peut-être M. Renan veut-il nous préparer déjà, par les bizarreries anticipées de son héros, aux scènes d'hallucination qui vont suivre. Maintenant, comment expliquer l'éblouissement qui causa la chute de Paul? M. Renan propose quatre hypothèses. Ce fut, ou bien un coup de foudre, ou bien un coup de soleil, ou bien un accès de fièvre pernicieuse, ou bien enfin une ophtalmie aiguë. De ces quatre hypothèses, les deux dernières sont celles qui lui paraissent les plus vraisemblables, ce sont donc les seules qui méritent de nous occuper. Accès de fièvre pernicieuse. Nous venons de voir que Paul fut jeté violemment à terre, sans qu'aucun prodrome fît pressentir l'accident. Est-ce ainsi que débute un accès de fièvre pernicieuse? Jamais ou presque jamais. Mais admettons que la perte de connaissance ait ouvert la scène, il faudra bien que l'accès parcourt ensuite ces trois périodes, période de froid, période de chaud, période de sueur, sans quoi ce ne serait pas un accès. Or, ici rien de tout cela. Paul se relève et continue son chemin, sans se sentir autrement incommodé. Autre particularité, il est aveugle. Serait-ce que la cécité s'observerait quelquefois à la suite d'un accès de fièvre pernicieuse? Je mets Monsieur Renan au défi d'en citer un seul exemple. Nous le voyons donc. L'hypothèse d'une fièvre pernicieuse ne saurait soutenir un seul instant d'examen. Ophtalmie aiguë? Sera-ce davantage une ophtalmie aiguë? J'ai honte, en vérité, de répondre à une semblable question, et voici le pourquoi. L'ophtalmie qu'on observe dans ces contrées, et qui se trouve décrite partout sous le nom d'ophtalmie d'Égypte, est l'inflammation de l'œil due surtout à une cause toute physique, La réverbération des rayons solaires que répercute le sable embrasé. Elle ne procède ni par saut ni par bond, mais suit une marche régulièrement progressive, tant que persiste la cause qui l'a produite. Il existe même un moyen banal de la prévenir ou de la combattre indiqué déjà par Strabon, c'est de se placer devant les yeux un morceau d'étoffe noire. Prétendre qu'un voyageur a été foudroyé par une attaque d'ophtalmie aiguë est une facétie qui n'a même pas le mérite d'être drôle. Et que dire de cet autre, dû également au même historien? Le brusque passage de la plaine dévorée par le soleil aux frais ombrages des jardins était de nature à déterminer un accès dans l'organisation maladive et gravement ébranlée du voyageur fanatique. Décidément, l'ophtalmie de Paul était tout à fait unique en son espèce, sans quoi le passage subi du soleil à l'ombre l'eût au contraire calmé au lieu de l'exaspérer. Mais enfin le voilà gisant à terre, immobile et privé de sentiments. Le reste se devine. Au milieu des hallucinations, j'en étais sûr, auxquelles tous ses sens étaient en proie, il vit, dit Monsieur Renan, la figure qui le poursuivait depuis plusieurs jours, il vit le fantôme sur lequel couraient tant de récits. Il vit Jésus lui-même lui disant en hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Les natures impétueuses passent tout d'une pièce d'un extrême à l'autre. Il fut touché à vif et bouleversé de fond en comble, mais en somme il n'avait fait que changer de fanatisme. Un immense danger entra avec cet orgueilleux dans la petite société formée par les apôtres. De ce moment date le protestantisme, Paul est l'illustre fondateur. Pour le coup ceci est par trop fort. Paul protestant, Paul précurseur de Calvin et de Luther, par le fait d'un accès de fièvre ou d'une ophtalmie. La conclusion est digne des prémices. Résumé et conclusion. Voilà cependant à quoi aboutit cette magnifique thèse de M. Renan, que l'établissement du christianisme n'a eu d'autre origine qu'une immense épidémie d'hallucinations. Et dire que dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, ou du moins qu'il se vante de l'être, il se trouve des esprits assez prévenus pour prendre au sérieux de pareilles inepties présentées sous le couvert d'une pseudo-science. Car, enfin, ai-je besoin de le rappeler, des arguments invoqués par M. Renan pas un n'est sérieux, plusieurs sont burlesques, quelques-uns même tombent littéralement dans la charge. Je vais plus loin, pour réfuter des miracles, il en imagine de bien plus extraordinaires encore, miracles d'impossibilité, au point de vue des faits qu'il interprète, miracles de démence, au point de vue des personnages qu'il met en scène, miracles de crédulité par trop naïve, au point de vue des lecteurs auxquels il s'adresse. Contrairement à l'écriture, qui a dit à la raison de s'humilier et de se taire, Monsieur Renan veut qu'elle parle, et qu'elle parle haut, seulement, le langage qu'il lui prête est un tissu d'allégations erronées, aigris somnia. On objectera peut-être que, pour bien juger une époque, il faut avoir grand soin de tenir compte de ses idées, de ses mœurs, surtout de ses entraînements. Et que nous sommes d'autant moins préparés à ce genre d'études que nous n'avons plus parmi nous ni visionnaires ni illuminés. Si, nous en avons encore, la seule différence, c'est que leur dérangement cérébral porte non plus sur l'exaltation, mais sur la négation du sentiment religieux. J'en citerai un exemple, les personnes qui ont visité l'hospice de Charenton, il y a quelques années, se rappelle sans doute ce petit vieillard que la douceur de son caractère, son maintien calme et sa figure placide, avaient fait surnommer le père tranquille. Chez lui, l'idée que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu était passée à l'état de monomanie, il aimait même à en faire un sujet de controverse. Se trouvait-il un peu à court d'arguments, il levait avec onction ses yeux vers le ciel, se contentant de répondre « Non, encore une fois, le Christ n'est pas Dieu, j'en sais quelque chose, car, moi qui suis le Père éternel, je vous donne ma parole d'honneur qu'il n'a jamais été mon fils. » Ainsi, l'excellent homme ne se trompait que sur un point essentiel, il est vrai, son identité. Voyez, cependant, à quoi tiennent les destinées. Supposons qu'au lieu d'être resté sédentaire et illettré, notre monomane eût été un voyageur et un savant, ayant visité Jérusalem, Gazir et la Samarie, affectant de parler le syriaque et l'hébreu, émaillant son récit de termes de médecine, citant à tout propos le Talmud, le Coran, Papias et Sakyamuni, disant au besoin Caïapha pour Caïphe, Judas de Curiote pour Judas Iscariote, Marie de Magdala pour Marie-Madeleine. Qui sait peut-être que, loin d'avoir été relégué au fond d'un cabanon, il vut, comme Monsieur Renan, s'ouvrir devant lui les portes de l'Institut. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.